Section 2, chapitre 3, 4. Chapitre 3, fier à bras, la Raignoire. Le bizarre personnage qui avait semblé applaudir à la chute de Messire Aubry ne montrait encore que sa tête. Sa tête seule était assez remarquable pour mériter une description particulière. Il faut se figurer une boule parfaitement ronde dans laquelle on aurait sculpté mollement un visage suivant les règles élémentaires et naïves qui servent aux enfants pour dessiner sur leur cerf-volant Monsieur le Soleil ou Madame la Lune. Le nez ne saillait point, la bouche était une fente droite, les yeux à fleur de crâne ressemblaient aux deux moitiés d'une fève, les sourcils fauves et très touffus étaient plantés sur le front. De nos jours, quand une maison se bâtit et que les murailles encore humides étalent au soleil la splendeur sans tache de leur plâtre tout neuf, Panotet, gamin de Paris, vient avec un charbon. La blanche robe de l'édifice adolescent a une tache. Panotet, ami des arts, trace un profil caricatural et muni d'une pipe sous lequel il écrit le nom d'un ennemi qu'il a, et puis il s'en va, léger de cœur, à ses affaires. Cet étrange visage qui se montrait dans la haie de houx ressemblait aux œuvres de Panotet. Seulement le personnage à qui appartenaient ces rudiments de traits n'avait pas de pipe, on n'avait encore inventé que la poudre. Sa chevelure était la partie la plus importante de son individu. À cette chevelure, il devait probablement ce sobriquet de l'araignoire qui s'ajoutait à son surnom de fier à bras. Le mot araignoire ne se trouve point dans le dictionnaire de l'Académie. Il désigne la brosse hémisphérique et emmanchée de long à l'aide de laquelle on détruit les toiles d'araignée. Fier à bras était une araignoire emmanchée de cour. Le poil qui couvrait sa tête ronde était dru, roide, crépu, rouge comme du feu. Cette nuance ardente faisait ressortir la pâleur bouffie de sa face qu'on aurait prise pour une ébauche mal réussie et jetée au rebut. Et pourtant, sur cette pauvre face, qui semblait être un oubli du Créateur ou une raillerie du hasard, il y avait de l'intelligence, bien plus de la volonté. Dans quel trait résidait l'éclair latent qui donnait la lumière à ces difformités? On ne savait, mais la lumière était là. La tête rouge de fier à bras s'agita comme si son torse, embarrassé dans la haie, eût fait effort pour en sortir. Ce torse devait être celui d'un géant, si on en jugeait d'après le volume de la tête chevelue, mais fier à bras était véritablement un être fantastique. Sa tête, que nous avons montrée au ras de terre, se trouvait là dans sa position naturelle et normale. Fier à bras était un nain de l'espèce la plus exiguë, il n'avait que 3 pieds de haut. Son costume était celui d'un gentilhomme, il portait les couleurs de Couët-Couenne, son seigneur, et un petit écusson brodé sur son pourpoint donnait ses propres armoiries qui étaient d'or au dindon de gueule. Comme on voit, Fier à bras était dans les idées de Louis XI, roi de France. Il se moquait volontiers de la noblesse. Et vraiment, on le laissait faire en ce pays de Bretagne, où la noblesse fut toujours si grande et si respectée. Pourquoi empêcher les nains de rire? En quel siècle voulut-on comprendre que le rire des nains est justement la chose qui tue? Si toute grandeur a sa décadence en ce monde, si tout est menacé tour à tour, c'est que les nains rient. Chaque fois que les nains rient, quelque grande chose tombe. Fier à bras, la Raignoire sortit de la haie au moment où le jeune sire Aubry de Kergariou touchait rudement le sol. Il se secoua et rajusta son costume, dérangé par les piquants du houx. « Eh eh ! Dit-il, j'arrive bien. Ce gentilhomme de bois vaut mieux qu'un fils de preux en chair et en os, à ce qu'il paraît. Bonjour, Ferragus, bonjour, dame Loïse, bonjour les autres. » Les autres, c'était madame reine de Kergariou, Aubry, Jeannin et Jeannine. Fier à bras ne daignait nommer que les chiens. Jeannin lui fit un signe de tête amical. Madame Reine, rassurée sur le sort d'Aubry, lui envoya gaiement le bonjour et Aubry lui-même inclina sa lance en cérémonie. S'il restait quelque inquiétude à Madame Reine, cette inquiétude n'avait plus trait à la chute de son fils. Une petite voix, bien douce pourtant, lui demeurait dans l'oreille comme la piqûre importune d'un insecte. Quand elle avait crié, un autre cri de frayeur avait répondu au sien. Jeannine était là, Reine le savait. Soit malice, soit étourderie, le nain se chargea d'envenimer la piqûre. « Comme vous voilà palote ce matin derrière votre rideau, ma belle demoiselle Jeannine » s'écria-t-il. « Messire Aubry, dites-lui donc que vous n'avez pas eu de mal !» Le jeune homme rougit, Jeannine détourna la tête, Reine se mordit la lèvre. Jeannin eut un bon rire franc et naïf. « Tiens, tiens » dit-il, « tu étais là, toi, fillette ?» Eh bien, ajouta-t-il en se tournant vers Aubry, représentez-vous à la place de Jeannine, qui n'est point de conséquence, votre belle cousine Berthe de Morvert, et voyez quelle figure vous auriez faite, messire. Cette fois, Jeannine baissa la tête, et Aubry regarda son ami Jeannin de travers. Madame Rennes se disait, l'excellente mère et la femme injuste, voyez comme ce Jeannin cache son jeu. Le brave homme d'armes ne cachait assurément rien du tout. « Qu'avons-nous donc ? » reprit Fier à bras, jouissant de l'embarras qu'il avait fait naître. « Sommes-nous à l'enterrement ? Il n'y a de gaillard ici que moi et messire l'Anglais. Soyez tranquille, Kergariou. Avant qu'il soit un mois, vous coucherez votre lance devant des quintaines de chair et d'os, car le roi de France est en colère. »« Tu sais des nouvelles, enfant ? » demanda vivement Madame Rennes. Il faut vous dire que Fier à bras avait bien une quarantaine d'années. Mais ceci est encore un trait de caractère. Madame Rennes, la charmante femme, ne riait jamais et s'entourait d'un haut rempart de dignité un peu empesée. Appeler le nain Fier à bras ou la Rignoire, c'eût été déroger à sa gravité, c'eût été presque rire. Madame Rennes avait si grande frayeur de tomber dans le péché de frivolité que l'ennui suintait autour d'elle comme l'humidité glacée aux parois d'une cave. Elle appelait cela « tenir son rang ». La chose terrible, il faudra bien vous le dire une fois ou l'autre, la chose terrible, c'est que Jeannin, le pauvre bon Jeannin, était beau comme Apollon. Madame Rennes avait des yeux charmants, même sous ses cheveux blanchis en nuit de torture. Des yeux perçants, surtout, des yeux jaloux. Elle regardait sans cesse autour d'elle pour voir si quelqu'un pouvait éclipser son fils Aubry. Or, Jeannin était trop beau. Il faisait tort à messire Aubry. Auprès de Jeannin, messire Aubry ne brillait pas assez. Qui ne connaît la coquetterie des mères ? D'un autre côté, ce Jeannin avait une fille qui était aussi trop belle pour le repos et l'intérêt du même messire Aubry. Vous sentez que cela devenait intolérable. Encore si on avait pu se débarrasser de ce Jeannin et de sa fille. Mais ce Jeannin, derrière sa douce modestie, était un homme important dans le pays. Plus d'un chevalier eût envié l'estime où le tenait François II, duc de Bretagne. D'ailleurs, c'était un si vieil ami, Jeannin avait vu naître l'héritier de Kergariou. Jeannin avait eu le dernier soupir de messire Aubry, qui avait laissé autrefois à sa garde Madame Rennes et son enfant. Jeannin aimait Madame Rennes à la fois comme sa suzeraine et comme sa sœur. Pour elle et pour l'héritier de Kergariou, il eût donné mille fois sa vie. S'il avait su que sa fille était un danger pour Aubry, il eût pris sa fille en croupe et se fût enfui avec elle au bout du monde. Madame Rennes ne voulait pas voir cela. Elle se défiait. Elle était mécontente d'elle-même et mécontente d'autrui. Il lui fallait des victimes. « Oh oh ! » dit le nain. « Vous me demandez des nouvelles, noble dame ? Il est bientôt 11 heures et j'aimerais mieux dîner. Des nouvelles, Saint-Jésus ! Il en manque bien des nouvelles. Ne savez-vous pas que le mangeur d'enfants a volé les deux filles d'Ainé Beaulieu du bourg de la Rive ? Est-il possible ? » s'écria Madame Rennes. « Deux pauvres anges qui n'avaient pas 10 ans ?» Jeannine avait quitté sa broderie pour écouter. Le nain s'était approché jusque sous le balcon où s'accoudait la châtelaine. « 10, 11 ans, ça va jusqu'à 12 », reprit-il. « Mais il enlève aussi les demoiselles de 18 ans », ajouta-t-il tout à coup en se tournant vers la fenêtre de Jeannine. « C'est un ogre à marier, gare à celle qui l'épouse. »« L'as-tu vu, toi, enfant, ce monstre abominable ?» demanda Madame Rennes. « Oui, oui, » répliqua le nain, « c'est un beau cavalier. » Grand et fort, qui est noble, comme vous et moi, il a nom le comte Otto Beringhem. Il est venu d'Allemagne, avec les pèlerins du Mont. Si je connais l'homme de fer, Dieu merci, je connais tout le monde. Hola ! Reprit-il en s'interrompant, voilà maître Jeannin qui va montrer à messire Aubry comment on pique un Anglais de droit fil. Voyez, voyez, noble dame, quel homme d'armes fait ce Jeannin. Vous iriez à Paris, la grande ville, avant de trouver son pareil. Madame Rennes fronça le sourcil et tourna la tête. Jeannin avait pris en effet du champ et venait au galop sur la quintaine. Il était incliné sur le garrot de son cheval et tenait sa lance de manière à frapper le mannequin de bas en haut, de faire ce beau coup qui consistait à enlever l'Anglais, le sarrasin ou tout autre coquin, de son pivot et à le lancer sur le sable. Mais Sire Aubry suivait, attentif. Fier à bras avait raison, il était impossible de voir un cavalier plus parfait que Jeannin. Force, grâce, adresse, tout était en lui. Son corps souple suivait les mouvements du cheval, comme si les quatre jambes du vigoureux destrier eussent été la base naturelle de ce torse harmonieux et robuste. Le vent de la course prenait ses cheveux blonds dont les anneaux se jouaient sur l'acier étincelant du casque. Madame Reine avait la tête tournée en sens inverse, mais néanmoins elle voyait tout cela. Personne n'ignore que le regard des dames se moque de toutes les lois de l'optique. Madame Reine haussa les épaules. En ce moment, la lance de Jeannin toucha la quintaine sous le menton, juste au centre de gravité, l'enleva à 10 pieds du sol et la jeta au loin. « Bravo !» cria Fierabras. « Bravo !» cria Aubry. Jeannine frappa ses deux petites mains blanches l'une contre l'autre. « Merci Dieu !» dit Madame Reine avec impatience. « Voici un bel exploit, maître Jeannin. Vous sied-il bien à votre âge de faire montre de votre force pour humilier mon pauvre fils Aubry ?» Jeannin ne répliqua point, mais il changea de visage. Fierabras leva sa houssine et se prit à fustiger d'importance l'anglais renversé. « Tiens, scélérat, tiens ! S'écria-t-il. « Tiens, tiens, tiens, tiens encore !» Il frappait à tour de bras et de si grand cœur qu'il en perdait haleine. Il s'arrêta quand le souffle lui manqua tout à fait et dit en essuyant son front baigné de sueur « Maugrebleu, voilà comme nous sommes, moi et Madame Reine. Nous frappons sur les gens qui ne nous le rendent point. » Chapitre 4. Le dîner. Fierabras, la Régnoire, était un abot de beaucoup d'esprit. En frappant l'anglais à terre, il faisait la critique sanglante des colères folles de Madame Reine. Mais Jeannin ne l'entendait point, le pauvre Jeannin. Il se désolait de tout son cœur et se disait, comme toujours, « Qu'ai-je donc fait à Madame Reine pour qu'elle me déteste ainsi maintenant ?» Il ne se révoltait pas plus que l'anglais de bois contre les coups de houssine de Fierabras. Le cadran solaire marquait 11 heures. Dans la campagne, derrière les futaies et parmi les clairières qui descendaient à la Rance, on entendit des huchers. Les routes montant au manoir s'emplirent de bestiaux et de pastours. C'était une belle et bonne terre que le Rose. À l'heure du dîner, il y avait bien 30 gars et servantes autour de la table de la cuisine. La cloche tinta. Le nain fit une pirouette à cet appel de bon augure. Au nord, au sud, à l'orient, au couchant, ces refrains monotones et mélancoliques qui se ressemblent tous et qui sont comme l'éternelle chanson de la campagne bretonne se répondaient et alternaient. C'était un concert. Tantôt le vent mêlait tous les couplets, tantôt une voix rauque et gémissante s'élevait en solo parmi le mugissement des vaches grasses et le bêlement des brebis qui faisaient orchestre. Pello, le bouvier, chantait à tue-tête. « Périne, ma Périne, l'on lit l'en là, la déri déri déra. Périne, ma Périne, où sont tes veaux allés? Où sont tes veaux allés? Ils sont dans la grand pré, l'on lit l'en là, la déri déri déra. » Et la petite Joanne, qui gardait les oies, lui répondait en fausset sur aigu. « Le mien en bel équipage, venez me voir au jour, où tous ces bios à Tours, si les chiens du village ne l'aurions point connu, l'aurions ma fa mordu. » Qu'il a d'une chemisette marqueté d'eau poumiet, d'un vestaquin de drougnet, des ganaches grisettes, gilet haut déribant, lit pendant par d'avant. À quoi Matelin le pasteur des Gorets répliquait, racontant ses premières aventures, « Dame, ah, d'auprès être ma cocotte, j'ta point ballant, je l'y faisa de toutes sortes, de qu'main, mère, sa père Gwen, je l'y faisa de toutes sortes, des quimplements. Je l'y parla de nos chérettes et de nos bœufs, et je l'y jura que nos poulettes, ponant des œufs, sa père Gwen, etc. » Tous ces chants, dont les paroles sont si moqueuses, si gaies, se disent sur des airs modulés en mineur et rythmés selon la coupe lente et triste, particulière à la Bretagne, et finis sur une cadence pleurarde, toujours la même. Peu à peu, bestiaux et valets envahirent la plateforme. Les valets venaient prendre leur repas, les bestiaux allaient passer les heures du grand soleil à l'étable. Les maîtres étaient déjà dans la salle à manger. La salle à manger du Rose était une grande pièce pavée en ardoises plates, froide malgré l'ardent soleil du dehors et montrant à ses murailles nues l'humidité qui incessamment perlait. Un énorme buffet de chêne noir ouvré, formé de 2 bahuts superposés, tenait tout le fond de la salle dans le sens de sa longueur. Vis-à-vis du buffet, un dressoir où les assiettes de terre brune se mêlaient fraternellement aux plats d'argent allait du sol à 3 pieds du plafond. Au-dessus de la porte d'entrée, un artiste indigène avait peint des pommes horriblement rouges et des raisins dont le renard se serait privé avec plaisir. Au beau milieu de cette œuvre d'art, les écussons de Morvert et de Kergariou, accolés sous le même signé de chevalier, unissaient leurs émaux amis. Çà et là, aux murailles, pendaient des andouillés de serre. C'était tout. Ajoutez une énorme table, pliant sous le poids du bœuf, du porc et de la venaison, des chaises de bois sculptées et un paillasson, épais de 4 doigts, pour la châtelaine, vous aurez une idée parfaitement exacte de la salle à manger du Rose. Il y avait eu là de nobles festins, du temps de M. U. de Morvert, et encore du temps de feu Messire Aubry de Kergariou. Mais ils étaient morts tous les deux, et les festins ne vont pas bien sous le toit d'une veuve. Madame Reine n'était, croyez-le, ni avare ni insociable. Seulement, elle tenait à sa place. Personne dans le pays n'était plus honoré qu'elle. À tous égards, elle le méritait, la bonne dame. Les défauts qu'elle avait ne nuisent point aux étrangers indifférents. Ses jolis ongles griffus n'écorchaient que les proches et les dévoués. Longtemps, la Bretagne avait gardé ses belles mœurs des aïeux insulaires que Walter Scott a si souvent et si magnifiquement décrites. Longtemps, maîtres et serviteurs s'étaient assis à la même table, dans la commune hospitalité du manoir. Au XVe siècle, il n'en était plus ainsi. La table des maîtres n'appartenait qu'aux hôtes nobles et à ces pensionnaires privilégiés qui s'appelaient la maison. Chez les grands seigneurs, la maison était composée de gentilshommes. Chez les simples nobles, la maison formait une classe intermédiaire qui prenait au dehors le pas sur la bourgeoisie et qui en réalité empruntait quelque importance aux âmes qu'elle portait. C'était l'écuyer, le page ou les pages, les hommes d'armes, c'était encore l'intendant, l'aumônier, parfois le maître veneur. Au manoir du Rose, il n'y avait point d'hommes d'armes à demeure. Toute la maison, fort Don Sidoine, le chapelain, prenait à l'occasion les pieux ou l'épée. Jeannin faisait office d'écuyer. Il y avait un petit farfadet nommé Marcou de Saint-Laurent qui était page. L'intendant avait nom maître Bel-Ami. Il cumulait cette once avec celui de majordome. Ces divers officiers, avec Jeannine, fille de l'écuyer, qui était en même temps chargée de l'éducation militaire du jeune Aubry, avaient seul le droit de s'asseoir à table. Don Sidoine servait de précepteur à Aubry. Fierabras avait sa petite table particulière auprès de Madame Reine, qui conciliait ainsi sa gravité un peu vaniteuse et le faible qu'elle avait pour le nain. On prit place. Marcou de Saint-Laurent, le page, les petits coquins, fort peu semblables à ces enfants ennuyeux et langoureux qui lèvent leurs yeux blancs vers le ciel sur la couverture de nos romances, Marcou trouva moyen de frotter les cheveux rouges à Fierabras. Il avait 15 ans, ce Marcou. Il tirait la langue à Jeannine et ne se doutait pas que le 19e siècle ferait sur lui 60 000 couplets idiots mais romantiques avec accompagnement de piano. Il n'aimait guère que le brelan, le vin nantais, qui n'est pourtant pas nectar, et le noble jeu de la grenouille dont il sera parlé plus tard. Fierabras lui rendit sa politesse en lui pinçant le mollet, qu'il avait maigre, jusqu'au sang. Sur ces entrefaites, chacun se recueillit, et Don Sidoine prononça le bénédicité. « Amen !» dit Fierabras, qui pinça le mollet du page Marcou de Saint-Laurent pour la seconde fois. Le page voulut lui rendre son espièglerie, mais Madame Reine toussa sec et dit à Jeannine « Je vous prie de tenir votre croisée close le matin, ma fille. Le soleil d'août est malfaisant. »« Il suffit, madame, » répondit Jeannine. « Non, ma fille, cela ne suffit pas à votre croisée close. Vous voudrez bien attacher des rideaux et les tenir fermés. »« Je le ferai, madame. »« Oh, oh !» se dit Marcou, « mais Sire Aubry ne courra plus si souvent la quintaine. » Aubry regardait Jeannin à la dérobée pour voir s'il manifesterait de la surprise ou du mécontentement, mais Jeannin était à 100 lieues de deviner les motifs de Madame Reine en prononçant ces mots « le soleil d'août est malfaisant » et l'idée des rideaux lui sembla une attention délicate. D'ailleurs, le bon Jeannin avait gagné grand appétit en courant la quintaine. Il mangeait sérieusement une honnête tranche de bœuf entrelardée et ne cherchait point malice en ce qui se disait alentour. « Je le connais, le soleil d'août !» s'écria le nain. « Tout à l'heure, je chevauchais sur les grèves, et le soleil d'août s'amusait à me gâter le teint. »« Tu chevauchais, toi, la raie noire !» interrompit Marcou. « Pourquoi non, sire fainéant ? M'est avis que pour chevaucher, il faut des jambes. »« Ou des pattes, maître Fallot, puisque les singes et toi vous enfourchez la selle. Moi, il ne me faut ni jambes ni pattes. Huguet, l'homme d'armes, m'assied sur le pommeau de la selle, ou bien Catiole, la marieuse, me met dans un des paniers de sa bourrique. Ah, maître Marcou, Voilà une bête encore plus paresseuse que toi, la bourrique de Catiole !» Le pas chercha en vain une réplique, fit la grimace et regarda son assiette. Chacun avait envie de rire, mais personne ne riait à cause de la jolie madame reine, qui faisait à elle seule un effet plus dolent que 50 aunes de serge noir semées de larmes d'argent. Fierabras, vainqueur, but rasade d'un air satisfait. « Donc, noble dame, reprit-il, puisque votre page veut bien donner la paix aux hommes raisonnables, je vais vous dire ce que j'ai appris là-bas, de l'autre côté du Couesnon, sur les choses de l'État. Le sire de Couëtquen, monseigneur, auprès de qui je tiens charge noble, étant à la cour de François II de Bretagne, j'ai du bon temps que j'occupe à mes affaires et à mes amours. » Cette fois, Marcoux éclata, et tout le monde l'imita, sauf madame Reine et la pauvre Jeannine, qui était rose depuis le front jusqu'aux épaules de la semonce détournée qu'on lui avait faite. « Et quels sont tes amours, Fierabras, mon mignon ?» demanda messire Aubry. « S'il vous plaît, mon cher sire, répliqua le nain, ce sont les tourtes d'Ardévon, au bord de la grève normande. Dame Lequien, la boulangère, y met des raisins de Gascogne, des fleurs d'oranger, du miel et bien d'autres douceurs. Je suis fidèle de cœur et constant comme un vrai chevalier doit l'être. Depuis que je porte l'épée, j'aime les tourtes d'Ardevon. Quoi qu'il arrive, je fais serment sur mon blason de les adorer toujours. » « La gourmandise est un péché mortel, » fit observer Don Sidoine. « Et je te prie, enfant, » ajouta madame Reine, « choisis ailleurs tes sujets de plaisanterie. À ma table, tout ce qui regarde la noblesse et l'honneur des chevaliers doit être respecté. » Fierabras s'inclina d'un air confus et répondit « Il sera fait suivant votre volonté, noble dame. Je vais vous parler sans rire de l'homme de fer, le comte Otto Beringhem, qui ouvre l'estomac des petits-enfants par curiosité scientifique et sans songer à mal. « Prends garde !» commença madame Reine. « Vous ne voulez pas ?» répliqua encore le nain, exagérant l'humilité de sa posture. « Eh bien, je vais vous entretenir du premier chevalier qui soit en cet univers. » Du roi Louis de France, lequel fait dessein d'envoyer un mortel maléfice à son cher cousin François de Bretagne, notre seigneur. Toutes les têtes se dressèrent, attentives. Le nain, cachant son sourire narquois, feignit de se méprendre. « Vous ne voulez pas ? » ajouta-t-il pour la troisième fois. « Alors je vais boire, manger et me taire. » Fin de la section 2.